Christ vit en vous. Il ne démissionne jamais. Il ne part jamais. Il est toujours là. Il a promis. Bonjour. Les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement de Charles Stanley. Jésus a débuté son ministère terrestre alors qu'il avait environ 30 ans et il a terminé sa mission en 3 ans. Cependant, la Bible ne rapporte jamais que Jésus était pressé, sous pression ou stressé. Quoique Jésus ait prêché à de grandes foules, il n'était jamais trop pressé pour ne pas avoir le temps de s'occuper des individus. Il s'est arrêté pour guérir un mendiant aveugle, délivrer un garçon possédé par un démon et ressusciter un enfant. Ces trois brefs exemples démontrent la compassion de Jésus envers ceux que la société considère comme sans importance ou insignifiants. Aujourd'hui, à l'émission En Contact, Charles Stanley nous rappelle que Jésus a manifesté l'amour de Dieu envers tous ceux qui souffrent. Parce que nous avons une fausse conception de Dieu, notre foi est souvent faible et inefficace. Cependant, cette image affecte tous les aspects de notre vie. Aujourd'hui, je désire que nous examinions un passage des Écritures qui nous révèle le véritable caractère de Jésus. Celui-ci a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » L'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 9. Pour connaître le caractère du Père céleste, examinez la vie de Jésus. Si vous désirez savoir comment le Père céleste vous traitera, regardez comment Jésus a traité les gens lors de son ministère public. Souvent, nous n'avons pas une bonne perception de Dieu, car nous avons entendu toutes sortes de choses à son sujet. De plus, nous voyons Dieu à travers les verres teintés de notre vécu et de nos expériences. Or, notre perception de Dieu déterminera comment nous allons réagir à son amour dans notre marche chrétienne. Je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 4 de l'Évangile selon Jean. Ce chapitre illustre bien les sentiments de notre Père céleste envers nous. Comment il désire nous traiter et comment il nous traite lorsque nous subissons des épreuves. Malheureusement, il arrive que nous blâmions Dieu à cause de nos difficultés, et parfois nous pensons qu'il nous reproche un péché et nous condamne. L'incident qui se déroule dans ce chapitre nous révèle les sentiments du Seigneur Jésus à notre égard. Observez bien ce qui se produit dans Jean chapitre 4, les versets 1 à 16, le passage que nous allons lire. Nous y trouvons un des plus beaux sermons que Jésus ait prononcé, et il l'a prêché à une seule personne. Lisons. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Cette histoire se poursuit jusqu'au verset 42. Mais nous nous arrêtons ici parce que nous allons nous intéresser à la première partie de ce passage. Dieu nous approche toujours avec amour. Lorsque nous comprenons qu'il vient toujours à moi avec amour, cela modifie la perception que nous avons de lui. Nous avons ici un bon exemple qui démontre comment Dieu approche ceux qui souffrent. Dans ce passage, nous avons lu l'histoire d'une Samaritaine meurtrie par la vie. En lisant ces versets, nous devons comprendre que le Seigneur Jésus connaît nos souffrances, qu'importe les raisons pour lesquelles nous souffrons. Que quelqu'un nous ait fait du mal, que nous soyons la cause de nos problèmes ou que nous nous sentions coupables, Jésus le sait. Il est au courant de toutes nos souffrances sans exception. Il sait que nous portons beaucoup de fardeaux. Il entend nos plaintes lorsque nous sommes peinés. Jésus savait donc dans quel état émotionnel se trouvait la Samaritaine. Lorsqu'il l'a rencontrée ce jour-là, il l'a regardée dans les yeux. Il pouvait percevoir et sentir sa douleur intérieure. Lorsque le Seigneur Jésus s'est adressé à la foule lors du sermon sur la montagne, il a parlé de nourriture, de vêtements et d'abri. Nous trouvons ces détails au chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus savait que ses auditeurs avaient besoin de ces choses. Il a dit, « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Matthieu chapitre 6, verset 32. Dieu sait tout ce dont nous aurons besoin avant que nous nous en rendions compte. Dieu n'attend jamais qu'il soit trop tard pour pourvoir à nos besoins. Il les comble à temps. Considérons ceci. Nous vivons sous le parapluie de l'amour du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui veille sur nous est omniscient. Il sait tout à notre sujet. Il connaît notre passé et notre avenir. Il sait constamment tout ce qui se passe autour de nous. Il n'a pas besoin de mettre ses dossiers à jour. Il connaît nos forces et nos faiblesses. Il sait ce qui nous menace et si nous sommes en sécurité. Il sait comment nous allons réagir aux situations et aux événements. Il connaît parfaitement notre personnalité. Il sait comment nous réagirons aux autres personnes. Il n'y a rien qu'il ignore à notre sujet. Il se dirige donc vers nous avec amour. Il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Celui qui veut notre bien sait parfaitement ce qui est mieux pour nous. Je ne sais pas toujours ce qui serait le mieux pour moi, mais lui le sait toujours. Et il n'a pas besoin d'étudier mon dossier et de le mettre à jour. Dans ce passage biblique, je désire que vous examiniez comment Jésus a traité la femme samaritaine. Nos opinions au sujet des autres sont souvent erronées, et elles ne sont pas nécessairement les meilleures. Nous, les chrétiens, ne traitons pas toujours les gens selon l'exemple que nous donne Jésus. Nous avons souvent développé nos propres normes et nos propres règles au sujet des personnes que nous accueillons. Rappelez-vous qui est cette femme samaritaine. Elle a eu 5 maris. Elle avait un comportement immoral et elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. En fait, tout cela au vu et au su des habitants de son village. Tous la connaissaient. Elle avait mauvaise réputation. Elle avait peu d'influence dans son milieu et ne faisait pas partie de l'élite sociale. Elle était probablement crainte des autres femmes et admirée par les hommes. Nous ne le savons pas avec certitude. Cette femme avait une réputation que de nombreuses femmes n'enviaient pas. Observons comment Jésus a traité une femme de mauvaise réputation. Quelle a été son attitude envers elle? Je veux que vous étudiez le contexte de cette rencontre. Jésus connaît non seulement toutes nos souffrances et nos peines, mais il s'en soucie. Nous avons avec ce passage un exemple flagrant de sa compassion. Or, pour bien saisir la portée de ce qui se passe, il faut comprendre les coutumes de l'époque ainsi que le conflit qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Retournons au verset 7 du chapitre 4 de l'Évangile selon Jean. La femme samaritaine a eu 5 maris et elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Ce jour-là, le Fils de Dieu la rencontre. Cette rencontre semble accidentelle. En vérité, elle ne l'était pas du tout. Elle était programmée, prévue et voulu par Dieu qui est toujours au bon endroit, au bon moment. La femme rencontre donc Jésus. J'aimerais que vous perceviez l'importance de cette rencontre. Cette femme s'approche du puits et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Qu'est-ce qui est extraordinaire dans cet acte commun à l'époque? Nous trouvons la réponse au verset 9. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. La femme est surprise par cette requête car Jésus est un juif. Elle est une samaritaine et depuis longtemps, il y a une grande hostilité entre les deux groupes ethniques. Observez une chose importante. Jésus, qui aimait la femme, ne l'a pas traitée différemment d'une autre personne parce qu'elle était samaritaine et très pécheresse. Non, il n'a pas laissé ses faits déterminer son attitude envers elle. Il se souciait au contraire de la souffrance de cette femme. Jésus n'était pas venu pour la condamner à cause de ses péchés. Il s'intéressait à ses péchés parce qu'il venait pour les lui pardonner. Il n'a pas accusé ni condamné la femme. Nous voyons qu'il a eu une attitude bienveillante et accueillante envers la femme. De nombreuses personnes n'auraient pas parlé à cette femme. Elle se serait écartée depuis le temps que cette dernière épuise son eau. D'autres seraient même probablement partis. Elles auraient justifié leur conduite en disant « Je ne veux pas être vu avec une telle personne ou être associé, car cela pourrait faire du tort à ma réputation. » Une telle pensée n'est jamais venue à l'esprit de Jésus. Pourquoi n'a-t-il pas tenu compte de cela? Eh bien, il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si vous voulez connaître les sentiments de Dieu envers les gens, examinez quelle a été l'attitude de Jésus. Il a accepté les gens tels qu'ils étaient. Cet exemple nous le prouve parfaitement. Il voyait la personne telle qu'elle était, non pas telle que l'on l'imaginait. Il voyait son cœur et il connaissait ses besoins. Nous avons tous des besoins et nous souffrons tous d'une manière ou d'une autre. Or, Jésus connaît tous nos besoins sans exception. À travers la Bible, nous découvrons que Jésus connaît nos souffrances et nos peines. Il connaît nos besoins et il se soucie de nos meurtrissures. Son attitude envers nous n'est pas influencée ou déterminée par nos souffrances, nos besoins, notre état social, nos meurtrissures émotionnelles, notre origine ethnique ou nos situations de vie. Nous pouvons donc conclure que Dieu le Père réagit de la même façon envers nous à cause des attitudes de Jésus à l'égard des gens décrites dans les Écritures. J'aimerais que vous notiez un autre point. Jésus vient vers nous pour guérir nos blessures et pardonner nos péchés. Observez comment il a abordé la femme samaritaine. C'est un exemple parfait à suivre pour approcher les gens afin de leur présenter la personne de Jésus. Qu'a fait Jésus en présence de cette femme? Les coutumes de l'époque lui interdisaient de lui parler. Il était interdit de parler à une femme samaritaine ou à une femme de mauvaise vie. Qu'a fait Jésus en l'abordant et en lui disant « Donne-moi à boire ». Il l'a approché et a cherché un prétexte pour engager la conversation. À ce moment-là, elle venait puiser de l'eau. C'était la raison de sa présence au puits à cette heure précise. Or, non seulement Jésus savait-il qu'elle venait chercher de l'eau pour ses besoins physiques, mais il savait également qu'elle ressentait un vide au fond d'elle. Elle avait une soif spirituelle à étancher. Jésus comblait le besoin émotionnel de cette femme. Elle avait besoin de se sentir aimée. Elle avait besoin de se sentir acceptée. Elle avait besoin de savoir qu'elle comptait pour quelqu'un, qu'elle avait un but à atteindre. Jésus a pris le temps de lui parler, car il voulait mettre un baume sur ses meurtrissures. Cet homme lui proposa de lui donner quelque chose. C'était une eau vive qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Elle n'a pas compris entièrement ce que disait Jésus, mais elle savait qu'il n'était pas comme les autres hommes. Mes amis, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou votre état actuel, si vous donnez à Jésus l'occasion de vous parler, vous ne vous sentirez ni jugé ni condamné. Il ne vous accusera pas de quoi que ce soit et ne vous fera pas peur avec l'enfer et les tourments éternels. Il va vous dire combien il vous aime. Il vous invitera à lui donner votre vie afin qu'il puisse vous donner ce qu'il y a de mieux. Il veut vous empêcher de vous détruire. Il veut vous sauver des tourments de l'enfer et vous empêcher de ruiner votre vie. Jésus n'est pas venu pour juger et condamner. Lorsqu'il était sur terre, Jésus a jugé et condamné une seule classe de personnes, soit les personnes religieuses qui se croyaient meilleures que les autres, qui se croyaient justes et qui le rejetaient, ainsi que tout ce qui était véritablement spirituel. Vous ne pourrez pas effrayer Jésus, peu importe les péchés que vous aurez commis, et vous ne le répugnerez jamais. Que vous fassiez souffrir les autres, ou que vous vous infligiez des blessures, Jésus se tiendra à vos côtés. En effet, il aime parfaitement. Je désire que vous remarquiez comment il a attiré cette femme. Je désire que vous notiez plusieurs détails dans le passage d'aujourd'hui, soit l'Évangile selon Jean chapitre 4. Premièrement, Jésus fait appel à sa bonté. Il l'invite à avoir de la sympathie pour lui. Au verset 7, il dit « Donne-moi à boire ». À cette époque, un dicton disait « Seule une personne méchante refuse à boire à son prochain ». Lorsque Jésus lui a demandé de l'eau, elle savait que donner à boire à quelqu'un était la chose humaine à faire, peu importe les circonstances. Le texte ne confirme pas si elle a donné de l'eau à Jésus ou si elle en a reçu de lui. La conversation a dévié et la Samaritaine ne pensait plus à l'eau du puits car son attention portait sur autre chose. En lui demandant à boire, Jésus a fait appel à la sympathie de la femme. Ensuite, il a fait appel à sa curiosité. Examinez le verset 10. Jésus a touché son plus grand besoin, celui qui allait captiver toute son attention. Voici comment il l'a interpellé. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Voyez-vous cela? Jésus dit que Dieu a un don pour elle et qu'une personne peut lui donner ce don. Dieu et Jésus vont lui donner une eau vive. Cette eau vive est très différente de l'eau du puits de Jacob. L'eau vive est une eau qui coule. Elle doit provenir d'une source ou d'un ruisseau. L'eau vive intéressa beaucoup la Samaritaine. Elle avait un besoin immédiat d'eau. Le texte dit, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. » Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Jean chapitre 4, verset 11. La femme dit à Jésus, « Tu n'as rien pour puiser de l'eau. Où prendrais-tu de l'eau vive? Où trouveras-tu de l'eau courante? » Qu'a fait Jésus exactement? Il a retenu son attention en mettant le doigt sur le point qui l'intéressait. Il l'a fait de façon à la faire réfléchir. « Qui est cet homme qui m'offre de l'eau vive ?» se demandait-elle. « Qui est cet homme sans cruche pour puiser de l'eau ?»« Qui est cet homme qui parle d'eau vive ?»« Qui est donc cet homme ?» Jésus a interpellé cette femme. « Qui est cet homme qui peut t'offrir de l'eau vive ?» Il a réussi à captiver son attention en parlant d'eau vive. Ensuite, il pique encore plus sa curiosité en parlant de combler un désir dont elle ignorait l'existence. Relisons l'Évangile de Jean, chapitre 4, cette fois les versets 10 à 15. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, « tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Notez que la femme réfléchit déjà. Elle demande à Jésus s'il est plus grand que Jacob. Notez la réponse merveilleuse que lui donne Jésus, versets 13 à 15. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » L'eau que la femme aurait tirée du puits n'aurait qu'étanché sa soif naturelle. Elle n'aurait jamais comblé son besoin émotionnel. L'eau du puits pouvait pénétrer son corps, mais elle n'aurait pas eu d'effet sur son âme meurtrie. L'eau du puits s'épuisera, mais Jésus lui propose une eau qui ne s'épuisera jamais. Jésus lui dit, « Je mettrai en toi une eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau courante ne s'épuisera jamais. » La femme ne comprenait pas ce qu'était cette eau. Jésus nous apprend que ce puits d'eau jaillira de nous jusque dans la vie éternelle. Lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur, ou lorsque vous le ferez, la Bible dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Éphésiens chapitre 1, verset 13. Le Saint-Esprit nous scelle, car nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. La Bible parle du fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. L'Épître aux Galates, chapitre 5, les versets 22 et 23. Ceci est le fruit de l'Esprit qui habite les croyants. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Il est en nous pour nous remplir de la vie de Jésus-Christ. C'est tout ce dont nous avons besoin pour combler notre âme. C'est seulement cela qui peut combler et qui comble notre cœur et notre esprit. Le Saint-Esprit nous donne un sentiment de satisfaction, l'assurance que nous sommes aimés, que nous appartenons au royaume de Dieu, que nous sommes précieux et que nous sommes acceptés par le Dieu Tout-Puissant. Ceci est l'œuvre qu'accomplit le Saint-Esprit en ceux qui l'habitent, soit les croyants. Qu'est-ce qui nous rend capables d'accomplir les tâches que Dieu nous appelle à faire? C'est l'Esprit qui nous habite. Dieu le Père est au ciel, le Seigneur Jésus, Dieu le Fils, est assis à sa droite et sur terre. Dieu le Saint-Esprit habite chaque croyant. Regardons encore ce que Jésus a dit à la Samaritaine dans Jean chapitre 4, cette fois les versets 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus lui dit qu'il lui donnera une eau et qu'elle n'aura plus jamais soif. Elle n'aura plus besoin de venir à ce puits. Ce ne sera pas une eau naturelle, mais une eau spirituelle. Un verre suffira pour toute l'éternité. Jésus-Christ habite en vous. Il ne s'épuise jamais. Il ne démissionne jamais. Il ne vous quitte jamais. Il est toujours présent en vous. Jésus a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, le verset 5. La Samaritaine était tellement heureuse et joyeuse qu'elle avait oublié sa cruche près du puits en courant au village pour dire aux autres qu'elle avait rencontré Jésus. En fait, elle était allée le dire aux hommes du village et non aux femmes. Elle leur dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» L'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 29. Les hommes ont vu son sourire et ils ont perçu la joie dans son cœur. Ils se sont dit, « Si quelqu'un a dit à cette femme tout ce qu'elle avait fait, allons voir qui est cet homme. » Les hommes sont allés vers Jésus afin de faire sa connaissance. Après lui avoir parlé, ils l'ont invité à demeurer au village quelques jours. Jésus y demeura deux jours et il leur annonça la bonne nouvelle. Plusieurs ont été sauvés car ils ont cru en Jésus. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et ils disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » L'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 41 et 42. Écoutez-moi maintenant, mes amis. L'essentiel de ce message est ceci. Jésus connaît tous vos besoins, tous vos péchés, toutes vos souffrances. Il vous aime, peu importe qui vous êtes et ce qui s'est produit au cours de votre vie.